إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui un nouveau livre, encore une fois, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, et c'est l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. On a déjà fait, au début, dans les cours qu'on a fait dans les années précédentes, Sharh Al-Usul al-Thalatha avec le Sharh du Cheikh Abdullah al-Fawzan. Et donc, pour certains, ça avait créé une certaine confusion parce que ils ont confondu entre le Cheikh Saleh al-Fawzan et le Cheikh Abdullah al-Fawzan. Ce sont deux personnes différentes, même si leurs noms se ressemblent. Donc, alhamdoulillah, on commence donc l'explication de ce livre. Et vous allez voir que, alhamdoulillah, c'est un charh qui est très très bénéfique lui aussi. Il est rempli de leçons et de sagesse et de règles de l'islam qui sont fondamentales et importantes et que chaque musulman doit apprendre et comprendre. Avant de commencer, j'aimerais juste mettre au point certaines questions et certains points, parce qu'il y a eu certaines critiques qui ont été faites de la part de certains frères qui assistent au cours, et j'aimerais juste prendre quelques minutes juste pour clarifier certaines de ces critiques. C'est que certains frères ont mentionné ou ont remarqué que lorsque il y a des frères qui viennent assister au cours, il y en a certains d'entre eux qui ne profitent pas. Parce que ils viennent et ils ne font qu'une écoute passive. Ils s'assoient et ils écoutent, mais ils ne prennent pas de notes et ils ne prennent pas le temps d'essayer de mémoriser les questions qui sont enseignées dans le cours. Et donc, à la fin du cours lui-même, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens, quand ils terminent, l'explication, par exemple, d'un livre, eh bien, c'est comme si en réalité, qu'est-ce qu'ils ont appris, c'est quelque chose de général dans la compréhension, mais ils ne restent pas avec quelque chose de ferme qui va demeurer avec eux par la suite. Donc, c'est ça l'erreur de certains frères. Et ça c'est une critique qui est valable. Pour certains frères, mais en même temps aussi, il faut prendre en considération que c'est pas tout le monde non plus qui compris ou peut-être qui ont la motivation ou l'intérêt pour la quête de la science. Et ça, c'est vrai que c'est dommage, parce que la quête de la science est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, طلب العلم فريضة على كل مسلم. La quête de la science est une obligation. Pour chaque musulman. Donc, c'est sûr que c'est important. Toutefois, il faut comprendre que ça existe des personnes qui, disons, ont moins de compréhension, moins de conscience au sujet de l'importance de la connaissance islamique et tout. Et donc, ils viennent et on peut dire que malgré qu'ils ne prennent pas de notes et tout, c'est quand même quelque chose de bien. Le simple fait de venir et de s'asseoir et d'entendre et d'essayer de comprendre, déjà ça c'est un bien, déjà ça c'est un grand bien. Et parfois les frères ils citent ou ils donnent comme exemple les exemples des cours qui sont donnés par les grands savants dans les mosquées, dans les pays musulmans, et ils donnent l'exemple que ces chouyoukhs-là, par exemple, quand ils donnent leurs cours, ils posent des questions aux élèves, ils débattent avec eux, et ils vérifient leur compréhension. Ça, c'est vrai de la part de certains d'entre les shuyukh, comme par exemple certains vont mentionner l'exemple de Cheikh Mohammed, Ibn Salih al-Uthaymeen, qui utilisait beaucoup cette méthode, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup poser des questions, questionner ses élèves pour vérifier leur niveau, pour vérifier leur compréhension. Ça, c'est un des shuyukh qui faisait ça. Il y en a d'autres aussi qui le font, mais ce n'est pas la majorité des ulama qui utilisent cette méthode-là. Et peut-être dans les cours qu'ils donnent à l'université, ils le font. Toutefois, quand ils donnent des cours dans les mosquées, les autres mashayikhs, quand j'étais, par exemple, à l'université à Médine, et que j'assistais au durus à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou dans d'autres mosquées, les shuyukh, ils ne prennent pas toujours... ils ne posent pas toujours des questions aux élèves durant le dars et même après le dars. C'est à chaque individu qui assiste au dars et qui vient apprendre, c'est à lui de se forcer à faire des efforts pour prendre des notes, pour mémoriser, pour essayer d'augmenter sa connaissance. Donc le cheikh, il vient, il donne son dars et toi tu fais des efforts en essayant de prendre des notes, en essayant de mémoriser le cours avant de venir. Et donc ça, c'est des exemples. Okay? On ne peut pas blâmer le cheikh, par exemple, ou la personne qui donne les cours, pour le fait que l'élève n'a pas bien compris ou appris tout ce qui a été enseigné, si tout a été clarifié. Et surtout lorsque les cours sont enregistrés et que les gens ont accès à ces cours-là par la suite. Hein? Souvent, j'ai entendu même des shuyukh qui disaient dans leurs cours, par exemple, une fois j'écoutais le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami dans l'explication qu'il faisait de Al-Hamawiyya, et dans un des cours, il disait si vous avez des questions, posez-moi les questions tout de suite. Si par la suite il y a encore des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez retourner à l'audio et l'écouter par la suite. Et donc c'est pour cette raison-là que parfois il y a des gens qui ne sont pas présents physiquement au dars, mais qui par la suite ont écouté le dars qui a été enregistré, et ils l'ont écouté chez eux tout seuls, et ils en ont profité, ils ont pris les notes qu'ils n'avaient pas réussi à prendre durant le cours lui-même, et ils ont profité, et même des fois des gens qui n'ont jamais assisté au cours physiquement, mais qui en ont tiré des bienfaits plus grands que ceux qui étaient là en personne. Donc ça veut dire que il faut pas se limiter uniquement à l'effort qu'on fait au cours lui-même. Il faut faire des efforts avant le cours, et il faut aussi faire des efforts après le cours aussi, lorsqu'on rentre à la maison, pour reviser le cours qu'on a appris, pour être sûr qu'on a bien compris qu'est-ce qui est dedans, et mémoriser les textes qui sont dans les cours, et pas seulement de se dire, par exemple, ça y est, j'ai assisté au cours, j'ai entendu ce que le frère a enseigné, et c'est tout. Si tu te limites uniquement à ça, tu ne vas pas sortir avec tout le bien que tu pourrais en obtenir. Donc ça, c'est un point important pour comprendre aussi. Une chose aussi qui est importante à ce sujet-là, c'est qu'en dehors des cours qu'on donne, il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle al-muraja'a. Hein? Al-muraja'a en arabe, ça veut dire la revision. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, de reviser la matière. Mais aussi, en parallèle avec ça, il ne faut pas négliger aussi la mémorisation du Coran, la mémorisation des hadiths, et essayer de se réunir avec certains frères durant la semaine pour essayer de vous faire un programme entre vous, pour essayer par exemple de dire, bon, nous on va mémoriser telle sourate dans le Coran, puis on va se réunir une fois par semaine pour essayer de voir est-ce qu'on a bien mémorisé cette sourate ou non. Ça c'est des choses que les frères peuvent faire entre eux durant la semaine sans que ce soit relié directement au dars. Hein? Aussi, par exemple, si on étudie un livre, eh bien, vous dites par exemple, bon, là on fait par exemple al-usul al-thalatha. Qu'est-ce qu'on va faire en dehors du dars? On va se réunir une fois par semaine pour essayer de mémoriser le texte du livre lui-même. Ça aussi c'est important. Il ne faut pas non plus négliger en parallèle avec les cours l'apprentissage de l'arabe. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devrait être capable ou devrait être en mesure de lire et d'écrire et de comprendre l'arabe. parce que c'est la langue du Coran, c'est la langue de l'islam. Donc, en parallèle avec le dars, il faudrait que chaque frère essaie d'augmenter son niveau en arabe, d'augmenter sa connaissance et sa compréhension de l'arabe. Ça peut pas, tout ça peut pas être fait par une seule personne, et tout ça peut pas être fait non plus ensemble en même temps. Donc, si par exemple les frères viennent au cours que je donne ici, par exemple aujourd'hui, et que eux ils auraient envie en même temps d'augmenter leur connaissance de l'arabe, c'est évident que je peux pas faire tout en même temps. Donc, il y a d'autres frères qui peuvent donner des cours d'arabe et aider les frères pour l'arabe en dehors de ce cours-là. Hein? Donc, aussi, il y a une réalité qu'il faut tenir compte. Parce qu'il y a des frères qui ont comparé, par exemple, les cours qui se donnent ailleurs, dans d'autres pays musulmans, avec les cours qu'on a donnés depuis 6 ans dans les mosquées. C'est impossible de comparer entre les deux, parce que, par exemple, le frère, il est allé en Mauritanie, un frère en particulier qui est allé en Mauritanie, il a vu que des gens arrivent, pendant un mois, ils se concentrent à mémoriser un livre, et puis à la fin du mois, ça y est, ils l'ont mémorisé, puis ils passent à l'explication, puis après ils l'enseignent. Et le frère disait, bon, nous on n'a même pas mémorisé un seul livre. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer notre situation ici à Montréal avec la situation des frères qui vont pour mémoriser dans un pays où ils n'ont rien d'autre à faire durant toute la journée, pendant des mois et des mois, et même des semaines et des années, ils n'ont rien d'autre comme occupation que ça. Ils sont là-bas pour ça seulement. Hein, ils font ça tous les jours, toute la semaine, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de responsabilité ou d'occupation en dehors de ça. Donc, nous, à Montréal, déjà, pour qu'on puisse avoir le temps de faire 2 cours seulement par semaine, le samedi et le dimanche, hein, on est déjà rempli d'occupations durant la semaine. On n'a même pas de temps pour nous-mêmes parfois, ou pour nos familles, ou pour d'autres choses. On est soit qu'on travaille, soit qu'on étudie, ou des choses de ce genre. Comment on va trouver le temps de faire toutes ces activités ou ces occupations-là? Même le cours qu'on fait, qui est une heure et demie par semaine seulement, ça prend tellement de temps, de notre temps et de notre nos occupations, que ça c'est déjà juste ce petit cours-là qu'on fait, c'est déjà lourd. Si on voulait faire des cours tous les jours de la semaine, ce serait pas possible pour les frères d'assister, ou pour la majorité des frères, ce sera pas possible pour eux d'être là tous les jours. Ou si on voudrait faire un cours 5 cours par jour, par exemple. Quand on fait des séminaires, quand je vais en France par exemple, des fois je suis avec les frères, ils organisent un séminaire. On fait plusieurs cours par jour. C'est arrivé. Mais ça, c'est parce que ça se fait durant, par exemple, les vacances, ou bien ça se fait, c'est un programme pendant une durée de temps qui est courte. Hein, et on fait des études comme ça intensives. Ça c'est possible. Mais tu peux pas faire ça à long terme, surtout dans une société comme ici, puisque le contexte ne le permet pas. Donc, il faut rester réaliste et comprendre la réalité des gens. Même si on voulait donner les cours, et même si on voudrait que tout le monde soit à un niveau de connaissance et de compréhension égal, ce ne serait pas possible pour tout le monde. Sans oublier les capacités individuelles et les capacités d'apprentissage de chaque individu. Il faut tenir compte de toutes ces réalités-là. Et ce n'est pas aussi simple que certains frères voudraient l'imaginer. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu donner cette explication-là pour commencer, pour nous faire comprendre que c'est vrai qu'il faut faire talaboulel, mais en même temps, il faut réaliser que chacun, on a des réalités, on a des situations différentes. Maintenant, si un frère, moi, c'est ce que j'ai toujours enseigné et conseillé aux frères, c'est d'essayer de partir, s'ils sont capables, d'aller étudier dans un pays musulman, d'aller apprendre l'arabe, d'aller étudier avec les ulama, ça c'est la priorité, c'est si ils sont capables de le faire, alhamdulillah, c'est ça qu'ils doivent faire. Et si au moins ce cours-là a servi à quelque chose, eh bien si ça a servi à ça, barakallahu fik. Si ça a servi à ça, alors c'est déjà bien. Là, il y a des cours que le frère Mohammed, un autre frère qui est imam ici à la mosquée, qu'il donne après le maghrib. Et peut-être à d'autres moments de la semaine ou de la journée, je ne sais pas. C'est pour dire que lui aussi, il a un programme. Si ceux qui ne peuvent pas venir à mon cours, ils peuvent pas, ou bien qu'ils sentent qu'ils ont dépassé ce niveau-là et qu'ils veulent, eux, aller plus loin et qu'ils veulent participer à un programme de mémorisation ou de compréhension à un niveau plus élevé, comme en arabe ou des choses comme ça, eh bien, il y en a, au contraire, je les encourage à le faire. C'est pas nécessaire que quelqu'un se dise, moi je me limite uniquement à ce que le frère Souleyman est en train d'enseigner. Il y a toujours, la porte est toujours ouverte pour quelqu'un qui veut faire plus d'efforts ou puis qui veut atteindre un autre niveau. Mais qu'est-ce que j'ai voulu faire en réalité comme cours? C'est pour aider les frères et les sœurs dans la compréhension des bases de l'islam. Pour leur donner des références et des compréhensions des choses qui sont parfois difficiles à acquérir en français parce que les livres à ce sujet-là sont peu. Et parfois sont pas faciles à trouver. Et des fois, il y en a des frères ou des sœurs qui n'aiment pas tellement lire, parfois, ils n'aiment pas ça, donc ils préfèrent écouter. Et le fait d'avoir des cours enregistrés, ça leur facilite l'apprentissage, hein, parce qu'ils sont plus intéressés par l'écoute que par la lecture. Donc, tout ça, c'est des raisons et des choses qui peuvent motiver, hein, la raison pour laquelle on a décidé de faire ces cours-là. Mais bon, tout ça, c'est pour tout. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose quand même qui est, disons, il n'y a pas vraiment de problème en fait, mais c'est juste pour éviter qu'il y en ait certaines personnes, certains frères par exemple, se sentent limités par cette méthode-là qu'on a utilisée. Et que c'est pas pour dire que ce cours-là c'est le seul, ou que c'est la seule façon d'apprendre, non, c'est un moyen parmi d'autres. Hein? Donc, ayant dit ça, maintenant on va commencer tout de suite, Inch'Allah, la lecture du livre. Et on va lire ensemble donc l'introduction. Le Cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muqaddimatu al-Sharh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu ala Nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit بسم الله الرحمن الرحيم l'introduction de l'explication de ce livre qui est les trois fondements de l'islam. Louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et sur sa famille et sur tous ses compagnons. Ensuite, nous avons devant nous un livre, hein, un traité, un livre, une petite risala, comme on dit en arabe, qui s'intitule Salasatul Usul, ou bien Al-Usul Salata, les trois fondements. Et c'est une petite risala, un petit livre qui est très grand dans les biens qui sont dedans, c'est-à-dire la science qui est contenue dans ce livre-là, même si c'est un petit livre qui est résumé, il est rempli de sciences qui sont très grandes, très importantes. Et ce livre-là, il est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est une de ses forces et une des avantages de ce livre. C'est un livre, en réalité, qui est un livre de base et qui est une référence pour l'apprentissage de la croyance islamique. Hein? Et que, comme on va le lire, que chaque musulman doit au moins connaître et comprendre. Le Cheikh dit « Wa hadhihi risala fi aslin azimin min usul al-islam wa huwa al-aqida ». وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. Donc le Cheikh dit donc ce petit livre c'est une base très importante et très grande parmi les bases de l'islam, parce qu'ils se concentrent sur la croyance, sur l'aqidah. Et les ulama, les savants de l'islam, ils ont toujours donné une grande importance à ce genre de résumé. Hein? Ils donnent toujours une grande importance à ce genre de résumé-là sur la croyance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les rassemblent, ils les écrivent, et puis ils se fatiguent à essayer de le résumer, parce que de résumer un sujet qui est très grand, c'est très difficile. Nous, on s'imagine que Al-Usul al-Salata, c'est un livre petit, on se dit, ah, c'est facile d'écrire un livre comme ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde la base d'où est-ce que ce livre-là a été tiré, de réussir à résumer ce sujet-là d'une manière suffisante et d'une manière satisfaisante, sans mettre trop, et sans trop enlever non plus, pour que ça garde quand même la clarté du sujet et que ça indique comme il faut la signification de qu'est-ce qui est dans l'islam, il faut faire un grand travail pour ça, c'est pas facile. Puis les ulama aussi, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font mémoriser ces livres-là à leurs élèves. Et ils font en sorte à ce que ces livres-là restent chez eux comme étant des bases. Donc, c'est comme ça que les ulama enseignent l'islam à la base. Ils résument certains livres et ils les prennent comme étant des sources ou des bases ou des références. Et ils demandent à leurs élèves de les mémoriser, de les apprendre. Puis, les enfants, donc, quand ils sont tout petits, ils ont grandi en mémorisant ces livres-là, ça reste avec eux. Plus tard, quand ils commenceront, comme on va le voir, quand ils vont commencer à étudier des livres plus avancés dans la science, ils auront toujours cette base-là comme référence qui va faire en sorte que le reste va être plus facile pour eux. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, ils vont profiter de ces livres-là et ils vont être capables d'en faire profiter aux autres. وَالْبَدَاءَةُ بِهَدِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ هِيَ الْأَسَاسِ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ فَطَالِبُ الْعِلْمِ يَبْدَأُ بِالتَّعَلُّمِ شَيْئًا فَشَيْئًا يَأْخُذْ مِنْ مَبَادِئِ الْعِلْمِ وَأُصُولِهِ وَيَتَدَرَّجُ فِيهِ. Donc le cheikh explique, il dit que de commencer par ces petits résumés-là, ces petits livres, ça c'est la base pour les étudiants en sciences islamiques. C'est-à-dire quand tu commences ton étude de l'islam, tu ne dois pas commencer, comme on va le voir, par des livres qui sont trop élaborés, qui rentrent trop dans les détails. Tu commences par les choses de base qui sont résumées. Hein, et tu évalues, par la suite tu évolues et tu avances petit à petit en prenant la science de ses fondements et de sa base. Et puis tu t'élèves ou tu montes petit à petit dans la suite. Le cheikh dit فهذه المختصرات طريق المطولات ولا فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Le cheikh explique, il dit que ces petits résumés-là, c'est le chemin qui, disons que ces petits résumés te pavent le chemin ou te préparent le chemin vers les livres qui sont plus grands et plus élaborés par la suite. Donc, il dit qu'il n'est pas possible de comprendre les gros livres si tu n'as pas commencé par la compréhension des petits et des résumés, puis que tu as monté graduellement petit à petit vers les livres plus compliqués. Et il dit, c'est pour ça que les ulama ont mentionné au sujet du verset 79 dans sourate Al-Imran, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. C'est-à-dire, mais soyez des ربانيين, soyez des savants éducateurs pour qu'est-ce que vous avez appris par le fait que vous enseignez le livre et que vous l'enseignez. Donc ça c'est la signification de ça, les ulama ont dit, la signification de ça c'est que tu commences par les sciences les plus faciles, les plus simples, les choses de base, puis tu évolues et tu montes petit à petit graduellement dans la science. Donc le cheikh il dit, « Inna rabbaniyin humu alladhina yabda'una bisigari masail al-ilm qabla kibarihi » ويربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة وهذا شيء طبيعي لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. Donc le cheikh il dit que c'est ça, الربانيين, qu'est-ce que ça veut dire الربانيون? Ça veut dire ceux qui commencent par enseigner les questions les plus simples, les plus basiques, les plus petites dans la science, puis ils évoluent et ils avancent vers celles qui sont plus compliquées et ils s'éduquent eux-mêmes ainsi que leurs élèves en commençant par ces questions qui sont les plus petites vers les questions plus grandes et vers les sujets qui sont plus importants ou plus compliqués. Et ça, c'est une chose qui est naturelle. C'est une chose qui est naturelle. On commence par les choses qui sont fondamentales et de base, et ensuite on évolue et on grandit. Si on n'a pas compris ces bases-là, si quelqu'un ne connaît pas l'usul al-thalatha, et qu'il n'a pas compris al-usul al-thalatha, ça lui servira à rien d'essayer d'aller plus loin et d'avancer plus en détail dans les profondeurs de la science, parce qu'il ne va pas en tirer de profit, il ne va pas comprendre. فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. Donc le cheikh il dit, celui qui fonce directement sur les livres les plus compliqués et qui va dans les sciences d'un seul coup, il veut tout prendre, il commence par en haut, eh bien, il se fatigue beaucoup. Et il n'arrive pas avec aucun bienfait par la suite. Tandis que celui qui commence avec les fondements et qui évolue par la suite, alors c'est celui-là qui, par la permission d'Allah, va prendre le bon chemin et qui va profiter réellement. Le cheikh il mentionne un exemple à ce sujet-là. Il dit: قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا. فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم وأن يأتوا البيوت وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 189 dans sourate Al-Baqarah, il dit, et il te pose la question au sujet des croissants de lune, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, dis à ces gens qui t'ont posé cette question, ce sont des moments ou des temps pour déterminer le début du hajj ou les différents moments du commencement de certaines adorations pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a établi ça comme étant les croissants comme étant un signe par lequel on détermine le commencement de certaines adorations, hein. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et la piété ne consiste pas à entrer dans les maisons par derrière, mais plutôt la piété, hein, plutôt la bonté, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour celui qui a eu taqwa, qui a eu la crainte d'Allah. Et prenez ou entrez dans les maisons par leurs portes. Entrez dans les maisons par leurs portes. Le cheikh il mentionne ce verset-là en disant, les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au sujet des croissants. Pourquoi le croissant il commence petit, puis il grossit jusqu'à ce qu'il se complète et qu'il devienne, hein, une pleine lune, puis que par la suite il diminue jusqu'à ce qu'il devienne un croissant encore. Alors, il pose cette question. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a blâmés de poser ce genre de questions-là, et il les a dirigés vers le fait de poser des questions qui leur seront vraiment bénéfiques, et de prendre la science en rentrant par la porte, et non pas en essayant de passer par derrière. Hein? C'est-à-dire, hein, le cheikh dit, « Amma su'al anil hilal wa ahwalihi wa sigarihi wa kibarihi » فهذا لا فائدة لهم فيه بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه وهو معرفة فوائد الأهلة ولهذا قال قل هي مواقيت للناس بين لهم فوائدها وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنه ليس لهم فيه أو وليس لهم في ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم لا ظهور العلم والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة. Donc le cheikh explique, il dit, ils ont posé la question, donc comme on a dit, au sujet du hilal, hein, et Allah les a blâmés à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, de poser la question au sujet du hilal et des différentes phases de la lune et tout ça, est-ce que c'est comment il grossit, comment il rapetisse et comment ça fonctionne, si ça, il y a très peu de bienfaits là-dedans. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a orientés vers le bienfait, c'est-à-dire vers qu'est-ce qui est vraiment bénéfique pour eux. Et on voit que dans l'islam, c'est toujours comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous détourne de qu'est-ce qui est peu bénéfique et nous ramène toujours vers qu'est-ce qui est réellement bénéfique dans la science. Hein? C'est-à-dire, le fait de connaître les différentes étapes ou les différentes phases du croissant, c'est pas quelque chose qui ramène un très grand bienfait de le connaître, nécessairement. Tandis que, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ dit, ce sont des moments où ce sont des, c'est un moyen, les croissants c'est un moyen par lequel on détermine, wa alaykum salam wa rahmatullah, par lequel on détermine les différents, le début des différentes adorations et ainsi de suite. Donc c'est ça le bienfait qu'on doit connaître par rapport au hilal. Et c'est ça qui est vraiment important. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les croissants de lune sont des choses par lesquelles on est capable de savoir quand est-ce qu'on commence les différentes adorations et les interactions et les termes, hein, le calcul des jours et des mois, hein, des choses de ce genre. Donc ça, c'est vraiment bénéfique. Donc il les a ramenés vers qu'est-ce qui est bénéfique pour eux. Et il ne leur a pas répondu, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas répondu au sujet de leurs questions qui étaient à la base au sujet de la réalité des croissants de la lune. Hein? Donc eux, ils ont posé la question au prophète au sujet des croissants de lune. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas répondu à ce sujet-là. Hein? Le Coran, c'est pas pour leur donner un cours d'astronomie ou bien de leur faire comprendre les phases de la lune. Non, mais c'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme guidance de cette lune et de ses phases. Et donc il les a orientés vers le bienfait qui est dans les croissants de lune. Et il ne leur a pas répondu au sujet de leurs questions à la base. Et donc, il faut donc savoir les questions sur lesquelles on doit questionner et les portes de la science, quelles sont-elles, hein, et de faire paraître la vraie science. Et non pas les questions de curiosité que les gens ont, hein, qu'ils veulent parfois questionner juste pour savoir, par curiosité, mais qui ne sont pas réellement importantes et qui n'en ont pas vraiment besoin. Hein? Ou bien s'ils en ont besoin, mais le besoin est très peu, très petit par rapport à la réalité. Donc ça vient clarifier l'introduction, et c'est une bonne introduction pour comprendre la science et comment on doit faire la recherche de la science en islam. Maintenant, on commence donc la lecture du livre et avec l'explication du Cheikh Al-Fawzan de ce livre qui est Al-Usul al-Thalatha, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le livre donc il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. OK, le livre commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, et ensuite l'imam le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit I'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc on va comprendre que premièrement ça c'est l'introduction. Le cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, on commence par le nom d'Allah, c'est-à-dire on commence à lire ce livre, hein, par le nom d'Allah, le Seigneur des mondes. Puis le cheikh il dit, sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre points, quatre sujets, quatre questions. La première, c'est la science. Il faut connaître. C'est connaître quoi? Connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Deuxième point, de l'appliquer cette science. Troisième point, d'inviter les gens à cette science. Et quatrième point, de faire preuve d'endurance dans les difficultés qu'on risque de subir en pratiquant et en appelant les gens à cette science. Donc ça, c'est l'introduction. Et vous allez remarquer que ça, c'est la première partie dans Al-Usul al-Thalatha. Mais en réalité, on rentre pas, on n'est pas encore rentré dans le livre de Al-Usul al-Thalatha. Avant de commencer réellement à parler des trois fondements, il y a trois sujets qui sont expliqués avant ça. Le premier sujet, c'est ces quatre points-là qu'on va expliquer maintenant. Le premier sujet, c'est les quatre points qu'on explique, la science et l'application de la science, la da'wa à cette science, d'inviter les gens à cette science et de faire preuve d'endurance. La deuxième question, c'est trois points que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab explique qui ne sont pas directement les trois fondements, mais qui sont trois points que le musulman doit appliquer, c'est-à-dire de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, deuxièmement de ne rien associer avec lui, et troisièmement al-wala wal-bara. Donc ça, c'est le deuxième point dans l'introduction. Et le troisième point, c'est la définition ou l'explication de ce que signifie la religion d'Abraham al-Hanifiyya. Donc ça, ce sont trois points d'introduction avant de commencer à expliquer al-usul al-thalatha. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avant de rentrer dans les trois fondements, il a commencé par clarifier ces trois petites introductions-là. Ensuite, il rentre dans les trois fondements. Les trois fondements qui sont le fait de connaître Allah, le deuxième de connaître la religion de l'islam, et le troisième fondement qui est de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc, ça c'est pour faire une petite introduction pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va lire en premier. Donc, le premier point, c'est les différentes catégories de la science et son importance. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il commence donc l'explication de cette risale. Il dit Bismillah, qala rahimahullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va commencer par expliquer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh Al-Fawzan, il dit Ibtada'a rahimahullah, hadhihi ar-risala bil basmala, iqtida'an بكتاب الله فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه ببسم الله الرحمن الرحيم فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. Donc le cheikh dit que premièrement le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il commence en disant rahimahullah bismillah ar-rahman ar-rahim, et quand il commence par bismillah ar-rahman ar-rahim il le fait en prenant comme exemple le livre d'Allah, parce que lorsque tu ouvres le mushaf, la première chose que tu vois avant de lire la première sourate, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, lorsque tu ouvres le mushaf, tu trouves ça. Ensuite, il dit, et de même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait des lettres qu'il envoyait aux différents rois ou aux différentes personnes importantes à son époque, il les invitait à l'islam. Chaque fois qu'il écrivait une lettre, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est un des exemples. Pourquoi on commence un livre sur l'islam, on commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à cause de ça. De même que, donc ça, c'est les explications. Pourquoi, si on te demande aujourd'hui, pourquoi on commence un livre sur l'islam par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu réponds parce que l'exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, devant chaque surah, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'envoyer une lettre à quelqu'un sur l'islam, ou pour les inviter à l'islam, il commençait toujours ses lettres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, pour suivre cet exemple, moi je fais ça aussi. C'est-à-dire quand j'écris ou quand je fais quelque chose, je commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Cheikh il dit ensuite وكان يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم مما يدل على أن البداء ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية وكل مؤلف له أهمية وله قيمة وكل رسالة. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait également ses discours et ses paroles lorsqu'il s'adressait aux croyants. Souvent, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça prouve que le fait de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également, Sulayman alayhi salam. En fait, Suleyman, lorsqu'il a écrit la lettre à Bilqis, la reine de Saba, la reine du Yémen à l'époque, il a commencé sa lettre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lui aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 29 et 31 dans Surat al-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que Bilqis, elle a dit à ses notables qu'on m'a envoyé une lettre. Une noble lettre qui vient de la part de Suleyman et qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. N'essayez pas de vous élever contre moi et soumettez-vous et livrez-vous à moi. Donc, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans chaque chose qui est importante, dans chaque livre important qui a une valeur, toute lettre qui est importante, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc nous on suit cet exemple-là. وَعَلَى هَذَا فَالَّذِينَ لَا يَبْدَأُونَ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَرَسَائِلِهِمْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهَؤُلَاءِ تَرَكُوا السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ وَالِاقْتِدَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُبَّمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ أَنَّ كُتُبَهُمْ هَذِهِ وَرَسَائِلَهُمْ أَنَّ كُتُبَهُمْ وَرَسَائِلِهِمْ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا فَائِدَةٌ لِأَنَّهَا إِذَا خَلَتْ مِنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا مَنْزُوعَةُ الْفَائِدَةِ. Donc le cheikh explique, il dit que ceux qui commencent pas leur livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh bien ceux-là ils ont abandonné la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont abandonné le fait de prendre comme modèle le livre d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est probablement à cause de cette raison-là que ces différents livres et ces différents écrits n'ont pas de bénédiction, ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc Allah a retiré le bienfait, il a enlevé de ces livres-là le bienfait et la baraka, la bénédiction. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة فينبغي التنبه لمثل هذا. Donc pourquoi ils ont abandonné Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? C'est parce qu'ils l'ont abandonné parce que c'est une sunnah et eux ils s'enfuient de la sunnah ou ils suivent ceux qui s'enfuient de la sunnah. Et donc c'est très important de faire attention à ce genre de choses. Ensuite il explique, il dit la signification. فَمَعْنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِسْتِعَانَةُ بِسْمِ اللَّهِ قوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit pourquoi ils ont abandonné. On va expliquer ça. La signification maintenant de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? C'est je demande le support et l'aide d'Allah, hein, par son nom. Donc je demande de l'aide par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si quand tu dis Bismillah, Bismillah, le cheikh explique que c'est un jar majrour. Jar wa majrour, ce sont des termes qu'on emploie en grammaire, hein. جار ومجرور كي غلي دونك متعلق بمحذوف تقديره استعين بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, je vais pas traduire les termes grammaticaux, mais quand même pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, c'est que quand tu dis bismillah ar-rahman ar-rahim, c'est en réalité comme si tu disais quelque chose qui était c'est comme si tu dis une phrase dans laquelle on n'a pas tout dit. En réalité, il y a quelque chose qui a été disons enlevé, mais qui est sous-entendu. C'est quoi? C'est que quand tu dis par le nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand tu dis ça, ça implique ou ça signifie que tu dis je cherche l'aide par le nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ou bien ça peut également impliquer que tu dis je commence ou je débute ce travail que je fais ou ce livre par le nom d'Allah. Hein, le nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et tu le fais dans le but d'obtenir cette baraka en commençant par ce nom-là, hein, et cherchant l'aide en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un moyen de débuter un travail ou un livre ou quelque chose quelconque. Yani, c'est quelque chose qui est très grand, très important, et ça fait en sorte que on demande l'aide d'Allah pour commencer quelque chose et on demande la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer ce genre de choses. Barakallahu fi, mashallah. Wa alaykum salam. Kayf al-hal? Hamza. Alhamdulillah, mashallah. Ça va, fi? Mashallah. Qadoum Mubarak. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mashallah. Ça va, Faranaz? Barakallahu fi. Donc, dans le livre qu'on va lire maintenant, le Sourate Salata, comme je vous ai dit, on peut dire qu'il est divisé en quatre parties. Hein? La première partie, c'est qu'est-ce qu'on a dit, l'explication qui a rapport avec la science et l'introduction de cette science. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que tout musulman doit connaître, qui sont trois points très importants dans la Aqidah, la Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya, et ensuite al-Wala wal-Bara. La troisième partie, c'est la définition de la religion d'Abraham, Millatu Ibrahim, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie. Et la quatrième partie, c'est l'introduction de Al-Usul al-Salah, c'est-à-dire les trois fondements, qui est de connaître Allah, de connaître sa religion et de connaître son messager. Et donc, la première partie, donc, c'est Ar-Risalatul Ula. La première partie, le premier point dans cette risale, c'est Al-Masa'il Al-Arba' allati tadammanatha Surat Al-Asr, hein, Al-Ilm. Donc la première partie dans Al-Usul Al-Thalatha, c'est les quatre points qui sont inclus et impliqués par les enseignements qui sont dans Surat Al-Asr. Surat Al-Asr dans le Coran. Wal-Asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawassaw bil-haqq, wa tawassaw bil-sabr. Par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, et qui se sont enjoints mutuellement à la vérité, et qui se sont enjoints mutuellement à la patience et à l'endurance. Ça, c'est ces quatre points qui sont inclus dans cette surah, qui sont expliqués maintenant par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, le cheikh, il commence, il dit, I'lam rahimakallah. Il commence souvent ses livres de cette façon-là. Sache que Allah te fasse miséricorde. Hein? Donc, le cheikh explique qu'est-ce que ça signifie, ça, maintenant. Cheikh Al-Fawzan, il dit, I'lam kalimatun tushiru ila l'ihtimam. بالموضوع فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه ومعنى اعلم فعل أمر من العلم أي تعلم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه من في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل وهو ضد العلم Donc le cheikh il commence par expliquer que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit sache et sache C'est une parole qu'on utilise pour indiquer l'importance d'un sujet quand tu commences. Et donc, il dit ici, sache. Et ça, ça signifie quoi? Ça veut dire, la chose qu'on va t'expliquer maintenant, là, c'est quelque chose de très important. Donc, écoute. Hein? Écoute et fais attention. Et c'est une parole également, donc, qui indique l'importance du sujet et qui signifie, hein, c'est le verbe impératif. De la science, hein, i'lam, qui vient de al-ilm, et qui signifie ta'allam, c'est-à-dire apprends, sache, hein. Et, c'est-à-dire, yani, le cheikh donne la définition du mot ilm, telle qu'elle est définie dans les livres de Usul al-Fiqh. Les ulama, ils expliquent la science en disant que c'est de connaître une chose dans sa forme réelle, ou de la façon dont elle est dans la réalité. C'est ça, al-ilm, la science. C'est de connaître la réalité d'une chose, de connaître une chose dans sa réalité telle qu'elle est réellement. Donc, ou bien, soit de la connaître de la façon dont elle est réellement, ou bien de l'imaginer, ou de la comprendre, ou la percevoir d'une manière qui est en accord avec sa réalité telle qu'elle est dans l'actualité ou dans la réalité. Ça, c'est la définition de al-ilm. Et al-jahl, c'est le contraire. L'ignorance, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est, disons, de connaître quelque chose, mais d'une manière qui est en contradiction avec ce qu'elle est en réalité. Ou bien d'imaginer quelque chose, mais d'une manière qui contredit ce qu'elle est en réalité. Ça, c'est le contraire de la science. C'est l'ignorance, en réalité. Et donc, quand vous voyez les définitions du ulama, quand il parle du ilm, il dit al-ilm, huwa idrak shay' ala ma huwa alayhi fi al-waqi'. Ça, c'est la définition. Donc, si quelqu'un veut prendre quelque chose en note, il prend cet exemple-là en note. Parce que, au début du cours, j'ai fait une petite introduction, puis j'ai fait quelques mises au point par rapport au fait d'assister au cours, puis, au fait de prendre des notes, ainsi de suite. Donc, les frères qui n'étaient pas là au début, Inch'Allah, ils pourront écouter l'audio, Inch'Allah, pour... Donc, le cheikh explique ça. Donc, ça, c'est la définition du mot « ilm ». Si on te demande qu'est-ce que c'est « al-ilm », tu dis, en arabe, c'est « idrak al-shay ala ma huwa alayhi fi al-waqi'. » Ou bien « tasawwur al-shay ala ma huwa alayhi fi al-waqi'. » Et « al-jahl », c'est le contraire. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع de connaître de percevoir ou de concevoir quelque chose mais d'une manière qui contredit sa réalité telle, qui contredit la façon dont elle est réellement et ensuite il dit وقوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى وهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره Donc le cheikh explique, il dit que, donc le cheikh, ici, il commence en disant, sache que Allah te fasse miséricorde. Donc il fait un dua à la personne qui apprend et qui étudie. Il fait un dua pour le talib ilm, la personne qui recherche la science. Donc le shirk, il fait ce dua-là, que Allah leur donne sa miséricorde et qu'il mette sur eux sa miséricorde. Et donc ça, ça fait partie de l'affection et de la douceur du professeur envers son élève. Hein? Il commence avec lui par des paroles qui sont bonnes, hein? Et par un dua, un bon dua, pour que ça justement ait un bon effet sur son élève et pour qu'il accepte de son professeur plus facilement. Tandis que si le professeur il commence par des paroles dures, hein, et des choses qui sont disons qui lui font plus de mal, ou des paroles qui lui font mal, alors c'est sûr que ça c'est pas bien placé, c'est pas à sa place, ça va faire fuir la personne au lieu de la rapprocher. Donc on commence par des paroles pour rapprocher la personne. Le cheikh dit fal wajib ala al muallim wa ala man yad'u ila Allah wa ala man ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'an al munkar at talattuf ma'a man yukhatibuhu bid du'a ilahu والثناء عليه والكلام اللين فإن هذا أدعى للقبول. Donc le cheikh il dit que la personne qui enseigne, hein, la personne qui fait de la da'wa, qui invite à Allah, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, elle doit, c'est obligatoire pour elle d'être douce, d'utiliser la douceur dans la façon dont elle s'adresse aux gens, de faire des du'as pour cette personne là de faire des éloges à cette personne, d'utiliser les paroles douces, les paroles gentilles, pour que la personne soit plus apte à accepter. D'accord? Mais le cheikh il dit ensuite: أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يردعهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمنافقون لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. Donc le cheikh explique un point important ici. Il dit: ça c'est l'attitude qu'on adopte envers un élève qui vient, qui veut chercher la science, qui veut comprendre, qui veut apprendre. Tu utilises avec lui la douceur, tu utilises avec lui la douceur et la bonté et les du'a pour lui. Mais la personne qui est arrogante, qui est fière, qui est obstinée, qui ne veut pas connaître la vérité, qui s'oppose à la vérité, on utilise avec cette personne un autre discours, une autre manière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 46, dans Surat Al-Ankabut. Il dit: et ne débat, ne fais pas de discussion avec les gens du livre, excepté en utilisant la meilleure des manières. Excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nous dit, hein, ne débat ou n'argumente pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière, avec le bon comportement, avec les bonnes paroles, hein, avec la douceur, avec la sagesse. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites: nous croyons en ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur vous, et notre divinité et votre divinité est une divinité unique, et nous sommes soumis à lui, nous sommes musulmans. Donc c'est à ça que tu dois les appeler, au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent cesser d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est l'attitude que tu adoptes envers ceux qui sont justes. Ceux qui sont injustes parmi les gens du livre, qui s'opposent à la vérité, qui s'enflent d'orgueil, qui s'obstinent dans le faux et dans le mensonge, avec ceux-là, on utilise une autre méthode et on ne leur parle pas de la meilleure façon. Hein? On leur parle avec des paroles qui vont les remettre à leur place. On utilise avec eux de la fermeté et de la dureté pour les remettre à leur place, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Et il mentionne le verset 73 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô toi le prophète, ya ayyuhan nabi, ô toi prophète. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit: lutte contre les kuffars et contre les munafiqin, c'est-à-dire lutte contre les mécréants et contre les hypocrites. Waghluz alayhim, et sois rude envers eux, sois dur avec eux. Hein? C'est pas le même comportement ou la même attitude qu'avec la personne qui est sincère, qui vient, qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui cherche à apprendre la vérité. Celui-là, tu es doux avec lui, tu vas lui donner la douceur. Mais celui qui est obstiné, et qui rejette, qui veut pas apprendre, qui veut au contraire, qui veut opposer la vérité, celui-là tu le remets à sa place. Et le cheikh il dit, donc Allah il dit, et sois rude avec eux, et leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça c'est le verset 73 dans sourate At-Tawbah. Et le cheikh il dit, et les munafiqoun, les hypocrites, on ne les combat pas, on ne lutte pas avec eux avec les armes. Les hypocrites, on ne lutte pas contre eux avec les armes. Parce que ce sont des gens qui se montrent musulmans. Hein? Ce sont des gens qui se disent musulmans. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj. Hein? Mais ils détestent l'islam. Ils détestent la religion de l'islam et ils combattent l'islam par l'intérieur. Alors, on ne peut pas utiliser les armes contre eux parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh, il dit, comment on les combat? Comment on lutte contre eux? Avec les preuves et avec la parole. Hein? On lutte contre eux en expliquant et en clarifiant la vérité avec la preuve et avec la parole pour les réfuter. Et on utilise, dans notre façon de les réfuter, de la dureté. Et on fait ça dans le but de faire en sorte que les gens s'éloignent d'eux et s'enfuient d'eux et ne restent pas avec eux. Et donc ça, c'est l'attitude que les ulama adoptent envers les munafiqin et envers les gens d'État, les innovateurs, les gens qui appellent à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils utilisent parfois dans leurs livres, dans leurs réfutations, des termes et des styles de réfutation qui sont durs et directs, et stricts, pour que les gens savent que cet individu-là a contredit la sunna et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait et qu'on veut le remettre à sa place et on veut faire comprendre aux gens que les gens ne doivent pas écouter ou suivre ces idées-là et ces individus-là. Donc c'est ça le but et l'objectif derrière cette méthode qui est employée de la part des ulama. Et il y en a par contre, parmi les musulmans parfois, qui ne comprennent pas ça. Et pour eux, c'est de ne pas avoir un bon comportement. Ils vont dire, regarde tel ou tel cheikh, il a réfuté quelqu'un ou il a répondu à quelqu'un et il a utilisé une méthode vraiment dure, il a parlé avec des mots vraiment sévères. Ça, c'est pas un bon comportement islamique. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'un bon comportement islamique, c'est de faire comme les chrétiens ou comme les soufis, de toujours être gentil, de montrer qu'on est toujours content, toujours bon, toujours gentil avec tout le monde. Et ça, c'est pas de la sagesse, comme eux ils prétendent. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu agis comme ça avec tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a aucun mérite à celui avec qui tu agis bien, tandis qu'avec l'autre qui fait le mal, tu agis de la même manière qu'avec celui qui est sur la sunna ou qui est sur la vérité. Alors, où est-ce qu'il est le mérite? Où est-ce qu'il est le mérite d'être, disons, sur la sunna, si tu traites la personne qui est sur la bid'a ou l'égarement de la même manière que celui qui est sur la sunna? Tu traites tout le monde de la même manière. Hein? Les gens qui sont sur la vérité, tu les traites correct, et les gens qui sont sur le mensonge, tu les traites correct, et même parfois mieux que ceux qui sont sur l'égarement. Donc, les gens qui appellent à l'égarement, qui appellent à la bid'a, qui font des shubuhat pour les gens, pour les mélanger dans leurs croyances et dans leurs pratiques, il faut employer parfois avec eux la dureté, et ça c'est la sagesse. Parce que la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre chaque chose à sa place, là où elle mérite d'être. Et de mettre la proportion qui est suffisante et qui est nécessaire là où il faut la mettre. C'est pas de mettre tout le monde à égalité et de donner à tout le monde la même chose, non. Hein? Donc ça c'est important. Et aussi parfois même quand on réfute des kuffars, il y en a qui disent non, il faut pas leur parler durement, il faut leur faire la da'wa et les inviter à l'islam. Si tu les parles avec dureté, ils vont pas accepter l'islam. Mais il faut faire la distinction entre un kafir et un autre. Il y a des kuffars qui détestent l'islam et qui expriment leur haine de l'islam ouvertement et qui contredisent l'enseignement des prophètes et qui détestent l'enseignement des prophètes et ils insultent l'islam et les musulmans. Il y a une attitude à adopter envers cette catégorie de koufars. Et il y a une autre catégorie de koufars qui sont des gens qui sont neutres vis-à-vis de l'islam et qui connaissent pas nécessairement, disons, l'islam. Et donc, quand on leur parle de l'islam, ils sont pas contre, ils veulent apprendre. Avec ceux-là, il y a une autre attitude à adopter aussi. Mais reste que les deux sont des koufars, sauf qu'il y a une catégorie de koufars qui sont pires que d'autres catégories, parfois. Mais il y en a qui s'imaginent qu'il faut adopter le même comportement et la même attitude envers tous les koufars, qu'ils soient parmi ceux qui combattent la vérité ou ceux qui sont dans une situation d'ignorance ou de neutralité. Et il faut distinguer entre ces catégories-là et pas penser qu'ils sont tous pareils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il agissait pas de la même manière avec Abu Talib qu'avec Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl et Abu Lahab, c'était des ennemis déclarés de l'islam. Ils détestaient l'islam et les musulmans. Et ils faisaient tout pour contrer la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Talib, c'était un mushrik, un kafir, mais il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il supportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses épreuves et dans ses difficultés. Malgré qu'il n'était pas musulman et qu'il ne croyait pas en l'islam, qu'il était dans le shirk et qu'il est mort sur le shirk. Hein? Donc, l'attitude envers les mushrikins et les kuffars selon également leur comportement et leur attitude. Hein? Et donc, de pas dire, lorsqu'on est en train de réfuter ou de répondre à un kafir qui est en train d'insulter l'islam et les musulmans ou de parler incorrectement de l'islam et des musulmans, de les traiter de la même manière que ceux qui sont dans la neutralité, ça c'est pas de la sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un de ses compagnons qui s'appelle Hassan ibn Thabit. Et Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répondait aux mushrikines par des poésies et par des satires, pour se moquer des mushrikines et pour les ridiculiser et pour les humilier et pour les réfuter. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Hassan, vas-y Hassan, réponds-leur et l'Esprit Saint est avec toi. Et il leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Hassan ibn Thabit, ce que tu leur donnes comme réfutation et comme poésie, ça leur fait plus mal que les flèches, qu'on leur envoie. Parce que c'était des réponses qu'il leur donnait à leur, parce que eux, ils écrivaient des poèmes, les mushrikounes. Certains d'entre eux, ils écrivaient des poèmes pour se moquer de l'islam, des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour contrer la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hassan ibn Thabit et d'autres également, eux, ils réfutaient à ces poètes-là et ils leur répondaient par des satires et par des poésies pour les remettre à leur place. Tout ça, ça fait partie aussi du djihad, mais du djihad de la parole. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ces versets-là. Et la même chose aussi envers les munafiqin à notre époque, ceux qui se disent musulmans mais qui appellent à la laïcité, qui appellent à la démocratie ou qui appellent à d'autres notions qui sont contraires à l'islam et qui critiquent les musulmans qui appellent au Coran et à la Sunna et à la aqida des salaf ou bien à l'application de la charia ou d'autres principes et qui se moquent d'eux, de la même manière il faut leur répondre à cela mais avec des preuves et avec les arguments du Coran et de la Sunna pour les remettre à leur place. Et ça c'est très important. Donc le cheikh il dit ensuite, Allahu a'lam. J'ai pas entendu des paroles de ulama à ce sujet-là, de qu'est-ce que l'autre prêtre voulait faire aux États-Unis lorsqu'il disait qu'il voulait brûler le Coran. Toutefois, le cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il a fait plusieurs fatwas à ce sujet-là. Et il a expliqué à ce sujet-là, mais pas à ce sujet-là en particulier, mais à ce sujet-là en général, dans le sens de parler de l'attitude des koufars envers l'islam et les musulmans et envers le Coran. Donc le cheikh Al-Fawzan, il disait dans certains de ses fatwas et dans certains de ses livres, il dit: est-ce que vous espérez ou vous pensez que les koufars ont du respect pour le Coran et qu'ils vont respecter le Coran ou croire au Coran? Non, ils n'y croient même pas. Hein? Et pour eux, c'est un livre de mensonges. Ils sont même en train de dire que le Coran, c'est un livre diabolique. Ils veulent le brûler. Donc, ils détestent le Coran. Ils détestent l'islam. Et rien ne les empêche de le brûler lorsqu'ils sont chez eux, ou de le prendre, puis de faire qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs. On a dit que certains, à un moment donné, on disait que certains soldats américains avaient jeté des copies du Coran dans les toilettes. Wal'iyadu billah. Donc, si les koufars décident de faire ça et que nous, on n'a aucun moyen d'essayer d'arriver à les empêcher, le fait de crier ou de parler ne va rien changer à ça. Et même s'ils avaient décidé de le faire, qu'est-ce qui est plus grave? C'est pas ce qu'ils auraient décidé, eux, les koufars, de faire avec le Coran, de le brûler ou des choses de ce genre. Le plus grave, c'est la réaction qu'auraient pu avoir certains musulmans à cette action-là, du fait qu'ils allaient commencer à réagir d'une manière qui allait confirmer les critiques des koufars contre l'islam et les musulmans. Du fait que certains musulmans, maintenant, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ça? Il y en a qui ont commencé à faire des manifestations, il y en a qui ont commencé à le menacer de vouloir le tuer, il y en a qui ont commencé à essayer même de... Peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire par la suite. Mais c'est pour dire que qu'est-ce qu'il a fait? Ce kafir, c'est en accord avec son kufr. Et il ne faut pas s'étonner qu'un kafir fasse des choses comme ça, puisque c'est normal. Il est kafir, il n'est pas croyant. Mais on dirait que nous, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris qu'un kafir, c'est quelqu'un qui rejette la vérité, qui rejette le Coran. Donc le frère, il donne comme exemple ici. Il y en a des gens dans certains pays musulmans, ils prennent le Coran pour utiliser ça pour faire des choses qui sont contraires à l'islam, même contraires au fondement de l'islam. Certains sorciers, certains soi-disant même chouyours, parfois des marabouts, qui écrivent le Coran avec des impuretés, avec du sang ou avec des excréments. Allah musta'an. Et ils mettent ça dans des poches, ou ils font du sihr avec ça, ou des choses de ce genre. Ça, c'est le kufr. Donc, c'est pour dire que ça, c'est des actes de kufr qui sont pratiqués maintenant dans certains pays musulmans. Parfois, même au nom de l'islam, il n'y a personne qui manifeste pour ça. Comme le frère, il dit, barakallahu fik. Donc, c'est pour dire. Et de toute façon, brûler le Coran, eux, ils pensent que de le brûler, c'est une insulte pour le Coran, alors que une des manières comment on se débarrasse des masahifs quand ils sont devenus vieux ou quand ils commencent à se décomposer, on les brûle pour justement faire en sorte que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit pas dérespectée ou qu'on marche dessus ou des choses de ce genre. Même les journaux ou les papiers dans lesquels il y a le nom d'Allah, pour s'en débarrasser, on les brûle pour justement faire en sorte que ces livres-là donc ne soient pas souillés. Et si ce sont des copies qui étaient entre les mains des koufars, des copies du Coran qui étaient entre les mains des koufars qu'ils voulaient rassembler et réunir pour les brûler, en réalité c'était en fait quelque chose peut-être qui était un bien, puisque certains d'entre eux, ils allaient être en train de faire des actes avec le Coran quand ils l'ont chez eux, qui sont bien pires que de le brûler. Donc ils allaient peut-être faire quelque chose de bien. Et on sait qu'il y a même des hadiths qui, à l'origine, interdisaient aux musulmans de voyager chez les kuffars avec le Coran. Il y a des hadiths dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih al-Muslim qui disent le prophète interdisait aux musulmans de voyager chez les kuffars avec le Coran. Et les ulama ont expliqué que ça, c'est dans le cas où tu vas chez des kuffars qui sont en guerre avec les musulmans. Mais de toute façon, aujourd'hui, le Coran se vend dans les. Dans les librairies des Fadalins. Moi, je me rappelle la première copie que j'ai achetée du Coran, c'est dans une librairie chrétienne que je l'ai achetée. C'était pas des musulmans qui me l'ont donné. Donc, c'est pour dire que, il y a maintenant, le Coran, il est partout. Et donc, tu peux pas les empêcher d'y avoir accès. Donc, ça, c'est un exemple à ce sujet-là. Mais comme le Cheikh Al-Fawzan, il le répète plusieurs fois, il dit, soyez pas étonnés que vous voyez des ces gens-là qui font ça. Mais soyez étonnés de nous, les musulmans, comment nous, on a manqué de respect parfois envers la révélation d'Allah, et comment parfois certains d'entre nous, parfois, on a le Coran, mais on ne l'applique pas. On a la charia d'Allah qui est dans ce Coran, dans cette sunna, et parfois on voit qu'on juge par autre chose. Hein? Donc, si on se met en colère parce que les kuffars agissent de cette manière-là avec le livre d'Allah, eh bien, on devrait également se mettre en colère et craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous-mêmes, on contredit la parole d'Allah. Puisque pour certains musulmans dans le monde aujourd'hui, le Coran c'est devenu juste comme un livre qui décore les étagères de leur bibliothèque. C'est un livre qu'ils récitent pour la baraka. Mais quand c'est le temps de l'appliquer ou de vivre selon ce qui est enseigné dans ce livre, on n'en retrouve aucune part dans l'application, dans le suivi. Donc c'est pas un livre juste comme ça, tu te mets en colère parce que les gens veulent le brûler, puis par la suite tu veux rien faire pour l'appliquer et pour montrer que tu crois en ce Coran. Donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَ فِيهِمْ, au sujet des kuffars, et des munafiqis, il dit, فِي سُرَةُ النِّسَاء, وقل لهم في انفسهم قولا بليغا هؤلاء لهم خطاب خاص لانهم اهل عناد ومكابره ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم اما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمه واللطف لانه يريد الحق ويريد العلم والفائده. Donc le cheikh il dit, donc dans le verset 63 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, dis-leur en eux-mêmes une parole, dis-leur une parole qui est dure et qui est stricte, qui est sévère, qui va les ramener à leur place, qui va les remettre à leur place. Dis-leur ce genre de paroles. Donc, on adopte avec eux un discours qui est particulier, qui est différent parce que ce sont des gens qui s'opposent à la vérité, qui s'enflent d'orgueil, qui ne veulent pas la vérité. Ils veulent plutôt égarer les hommes. Et donc, avec ceux-là, il y a un autre discours à adopter. Et moi, je me souviens, subhanallah, il y a certaines personnes, il y en a parfois qui avaient blâmé, par exemple, le ton que j'avais adopté, par exemple, dans un livre que j'avais écrit. L'islam ou l'intégrisme, ils disaient, bon, t'as utilisé un ton qui est dur, c'est pas la sagesse, c'est pas bien de parler comme ça, et ainsi de suite. Et, le livre était adressé, ou bien disons, était écrit pour réfuter, en particulier, les koufars et les mouchriquins qui déclarent leur haine de l'islam et qui combattent l'islam ouvertement, ou également les munafiquins qui combattent le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah ouvertement. Donc avec eux, il faut adapter un discours clair. Il ne faut pas essayer de montrer comme si en voulant dire qu'on est comme les chrétiens ou les soufis, qu'on est toujours en train de parler avec la douceur, puis qu'on ne met pas les choses à leur place. Non, il faut mettre les choses à leur place. Bien entendu, toujours avec la modération en même temps, puis la douceur, mais en même temps l'explication. Mais même si parfois il faut employer un langage yani ferme, alors il ne faut pas hésiter à le faire. Et comme je disais à des frères parfois, je dis, si vous lisez par exemple des livres écrits par des ulama de l'islam en arabe, sur le même sujet que le sujet dont j'ai parlé dans le livre que j'ai écrit à l'islam ou l'intégrisme par exemple, ben moi, par rapport à ce que les ulama ont écrit sur ce sujet-là, moi, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est une goutte d'eau dans un océan. Allez, c'est même pas comparable. Le discours, la façon dont les ulama, eux, de l'islam, quand ils écrivent des livres en arabe, quand ils parlent de ces sujets-là, ils sont encore plus directs que moi, et encore plus clairs que moi, puis encore parfois même plus... parfois ils utilisent plus de dureté encore. Donc c'est pour dire que il y a un livre par exemple qui s'appelle Al-Mu'amarat al-Kubra ضد المرأة المسلمة, quelque chose comme ça. C'est écrit par le cheikh Mohammed al-Imam, un des chouyoukhs du Yémen, hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mu'amarat al-Kubra ala al-Mar'at al-Muslima, c'est-à-dire le grand complot contre la femme musulmane. Et ce livre-là, il est environ 500 ou 600 pages. Et franchement, il a traité du même sujet, presque le même sujet que moi j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit, mais mon livre à côté de son livre à lui, mon livre il vaut rien, il correspond à rien par rapport à son livre au cher, puisque dans le contenu, dans la forme, dans la façon, il est encore plus détaillé, plus clair et plus direct et plus fort encore que ce que j'ai écrit moi. Donc moi j'ai juste fait prendre quelques paroles des ulama et des chouyoukhs sur certaines questions pour essayer de les clarifier et pour répondre à certaines critiques ou certaines attaques que les koufars ont lancées contre l'islam et les musulmans à notre époque. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la façon de s'adresser à l'élève ou à l'étudiant lorsqu'il vient en cherchant la guidance, l'orientation, la connaissance, alors celui-là, tu vas parler avec lui avec douceur, avec miséricorde, avec affection, avec gentillesse. Parce que lui, il veut la vérité, il veut la science et il veut profiter. Donc tu vas parler avec lui d'une façon qui correspond à ça. Donc ça, c'est pour l'explication. On a expliqué l'introduction, puis on a parlé également donc de la première phrase ou le premier mot qui est mentionné dans ce livre, I'lam rahimakallah. Donc on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui, et demain bi'idhnillah on va continuer avec la suite de inchallah l'explication de ces quatre points dans l'explication de sourate al-Asr. Donc subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'aimerais juste mentionner ou rappeler aux frères que à partir de inchallah maintenant aujourd'hui, on a commencé à 5h, hein, peut-être un petit peu plus tard parce qu'on a parlé avec un frère, le frère Mohamed, mais sinon à partir de maintenant, on va commencer tous les cours à 5h pile. Peu importe que les frères soient là ou non, ou s'ils sont arrivés ou non. On commence à 5h pile, puis on va s'arrêter 1h15, 1h20 après. Donc, si les frères sont là, à temps, ils vont pouvoir profiter, ils vont rien manquer. Sinon, ils vont manquer malheureusement. Donc, c'est dommage, mais bon, ils pourront quand même, comme on avait dit, écouter l'audio par la suite, Inch'Allah. Donc, ça vient conclure le cours d'aujourd'hui.